Est-ce que je suis d'accord avec ton... Oh, je te demande pas. Ton explication de la conférence? Ben, tu as vu que ça, c'est plus la tradition ésotérique, mise à la moderne, interprétée par Richard Glenn. Ça fait déjà loin d'être peut-être la réalité, mais moi, je la vis comme ça, c'est dans mon expérientiel. Puis toi, est-ce que... Ben, moi, j'ai pompé du Bernard pendant 30 ans, fait que il n'en parlait pas souvent des anges. Non. Il parlait du double. Ah oui, du double. Dans la mesure où on fait le parallèle... T'as vu le dessin là, que j'ai montré, là, qui était un peu comme le double, là, t'es d'accord? Ça. C'est un peu ça aussi, ça fait partie des anges, mais les anges... Avec Bernard, t'avais le double et les entités. Ben les entités, ça serait peut-être les anges, finalement. Tu peux pas des êtres spirituels. Bernard nous avait déjà dit, à un moment donné, ça c'était dans le privé, qu'il était sous l'influence de Gabriel, puis là t'en parlais qu'il y avait... C'est un enseignant. Il avait connecté avec plusieurs personnes. Là. Oui. Donc, j'ai une nature scientifique, j'ai bien la misère avec les affaires à connotation religieuse, mais je suis capable de faire des parallèles. Ça, c'est, Alors toi, comment tu te sens parler ce soir de communication au lieu de dialogue avec l'invisible? Ben, disons, la communication, quand on la regarde d'un point de vue du psychisme, c'est sûr que moi, ce que je dis dans mes groupes, c'est que je vais dire aux gens, vous avez une conscience matérielle, terrestre, qui est marquée par la réflexion. Donc, l'ego traite des idées, traite des impressions et va comparer par le biais d'un comme d'indice dur interne, la mémoire. Il va comparer l'information avec dans son mémoriel versus les impressions nouvelles, puis il va se faire, comme on dit, une masse critique. Puis cette masse critique-là, grandissant, bien, l'individu prend de la sagesse ou, dans son expérience, une aptitude à comparer les choses. Et selon les talents qui ont été donnés à sa naissance, parce que moi, originellement, j'étais un astrologue, donc tout est marqué, tout est un destin, et puis l'intelligence qu'une personne a, dans le sens de ses talents, c'est marqué à sa naissance. Tu as une quantité X de talents qui t'est donnée, et puis tu as une conscience qui, elle, se développe indépendamment du talent. Fait que tu peux être un être très conscient avec peu de talent, comme tu peux avoir beaucoup de talent puis très peu de conscience. Donc, quand on parle de communication, on a à traverser tout le, on peut appeler ça le 10-2, là, tout le mémoriel d'une personne qui a, avec son expérience de vie, puis l'influence astrale d'entité, ces choses-là, on a à traverser le bloc de la mémoire, donc le bloc de l'âme. Et ça, c'est le travail le plus difficile pour les gens, c'est de différencier si la communication qu'il reçoit vient de l'âme ou si ça vient de sa source, qui est une partie de lui, à un autre niveau. Okay? Tu parlais de plusieurs plans. Là. Bon, ben, l'être humain, c'est une composition de plusieurs plans. Et son esprit, qui sa propriété, si on peut dire ça de même, propriété considérant l'enveloppe, ben, l'esprit qui s'incarne vient faire une expérience. C'est un peu comme nous autres... Regarde, quand tu dis esprit, c'est ça qu'on appelle l'âme, c'est le pur esprit. Non, l'âme puis l'esprit, c'est deux mondes différents. L'âme, non, je ne parle pas de l'âme, là. Je parle de l'ange. Ah, l'ange, excuse-moi. L'ange, c'est un pur esprit, donc c'est de l'esprit angélique qui descend dans la matière, en passant par l'âme pour entrer dans la matière. Moi, le seul parallèle que je peux faire avec l'ange, c'est le fait d'être le double. Oui. Si tu me parles de l'ange comme étant le double, on a un jeu de synonymes, OK, c'est juste un jeu de mots, et puis ça me va. Tu sais, c'est comme... La tradition, ça existe, mais c'est au plus bas niveau, ça, là. Ouais. Parce l'ange du double, là, c'est l'ange de la Terre, là, c'est très basique, il n'est même pas dans les neuf cœurs des anges. OK, en tout cas, comme je te dis, moi, pour moi, là, il y a l'influence des entités astrales. J'ai fait un petit bout de temps de l'exercice avec des gens, puis tu vois vraiment qu'il y a des... Il y a des morts là, qui sont des âmes mortes qui sont parallèles à la vie des gens, puis qui influencent les gens parce qu'ils ont eu des contrats d'âme dans le passé, dans d'autres vies, etc. Puis ça, quand tu fais parler les gens, tu vois que tu libères une personne d'une entité en y faisant fermer son contrat avec la personne. Les gens qui vivent leur vie souvent ont des entités astrales. Les gens qui prennent de la drogue, ils en ont des fois 10-12 sur le portrait. Et puis tu fais du ménage. Quand je dis tu fais du ménage, tu fermes les contrats des entités avec l'être humain en lui donnant à l'entité qu'est-ce qu'il cherche à comprendre dans la vie de l'être humain. Tout dans l'univers est une recherche de conscience. Et puis les talents que vous avez à la naissance, donc qui vous sont donnés par incarnation votre programmation astrologique, peu importe la façon que vous allez l'expliquer, ben c'est pour faire des prises de conscience. C'est ça l'objectif de vie. Les gens souvent vont me demander, ça sert à quoi de vivre? Ben ça sert à faire des prises de conscience. Et les prises de conscience, c'est une compréhension de la polarité de l'expérience. Fait que le bien, le mal, le vrai, le faux, le négatif, le positif, ces choses-là doivent être neutraliser. Neutraliser, ça se fait dans une prise de conscience. Et puis, à chaque fois que vous faites une prise de conscience, vous neutralisez du négatif et du positif. Et moi, souvent, je dis aux gens, je dis, quand vous parlez du mal, là, le mal, c'est ça qui développe la contenance puis la volonté. Puis le bien, c'est expansif. C'est ça qui développe une lecture des expériences de vie. Mais les deux doivent se marier ensemble. Tu peux pas m'imaginer boire de l'eau. Tu sais, boire de l'eau, ça veut dire mettre de l'eau dans une densité. Donc, ça prend le verre. Ça, le verre, c'est du mal. Et l'eau, c'est du bien. Oui, parce que tu bois pas le verre, tu bois l'eau qui est dans le verre. C'est ça. Mais le contenant, là, ce qui a permis une contenance, ça a demandé une énergie de contraction. Et puis, vous avez besoin de traiter, des fois, des périodes de votre vie qui sont super difficiles. Et puis, tu traites avec de la contraction. Puis une fois que tu as passé, moi j'appelle ça un test, une fois que tu as passé ton test de contraction, ben là, tu es accessible à un déversement d'intelligence, donc à un déversement de bien ou de... C'est plus facile, c'est viable. Et puis, c'est comme ça tout le temps, il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil. Aujourd'hui, il pleut pas. Ben, pas aujourd'hui, mais je vous dis, cet été, on a eu beaucoup de contractions, ouais. Beaucoup d'humidité. Fait qu'en général, les gens arrivent à l'automne, à l'hiver, moins dilatés. Tandis que quand il y a beaucoup, beaucoup de soleil, les gens arrivent à l'automne, puis là, les problèmes, ben, ça n'a plus d'allure comment ça sort, parce qu'ils sont très, très dilatés, ils ont presque plus de contenance, puis là, ils ont besoin de vivre des chocs. Là, il y a moins de chocs à l'automne, parce que, en tout cas au Québec, parce qu'il y a plu beaucoup, puis ça a été plus contracté. Malgré qu'on nous a dit que dans le nord du Québec, c'est peut-être à cause du maire Labeaume, il y a plus moins ici qu'à Montréal. OK. Bernard disait souvent qu'il entendait des voix. Est-ce que ces voix-là, ce seraient des anges qui communiquaient avec lui? Ouais, ça, il parlait de Gabriel tantôt. Ouais. C'est la première fois que j'entendais. Ben, ça, que... c'était dans les débuts de son instruction. Son langage a changé avec les années. Bernard, il était très pro-humain dans le sens qu'il travaillait beaucoup avec la mesure de ce que les gens étaient capables d'entendre. Mais, il créait des chocs, des fois. Il répétait souvent des choses d'une façon... Il disait les choses d'une façon différente. Mais le message était toujours le même. C'est pas nous autres qui pensent. Faut pas croire. Puis les raisons pour pas croire, c'est donc, justement... c'est pas nous autres qui pensent. Est-ce que ce serait pas notre double qui pense? Et on pense qu'on pense, mais en réalité, c'est notre double qui est dans un monde angélique, là, où tout est esprit. Puis nous autres, on reçoit ça par notre cerveau, puis on rentre ça dans notre mémoire, puis on analyse ça par la culture. Ça. C'est ça. Ah, c'est ça. Bien, c'est bon. T'es rendu loin. OK. Si tu sais ce que tu dis, c'est parfait. Oui. Il y en a beaucoup qui l'ont appris, mais qui ne l'ont pas intégré. Oui. Mais moi, j'aime beaucoup me référer aussi au niveau des anges, mais par son double, justement, comme tu dirais. Mais je sais qu'en bas, on est comme des enfants d'école, qu'on a besoin de se faire taper ses doigts ou qu'on a besoin de se faire dire, bon, ben là, il est l'heure, là, c'est fini, là, on passe à autre chose. Le double, c'est une très grande puissance. C'est très... C'est l'être, c'est le véritable être. C'est le véritable être de l'être, là, de vous autres, là. Oui. Mais pour en arriver à contenir un double, il faut s'être complètement libéré des notions de bien et de mal, puis de vrai ou de faux, puis de négativité, puis de positivité. Mais pourtant, on parle des bons anges, des mauvais anges. Ouais, c'est encore une erreur, non, ça. Non, je parle de la tradition, moi, quand je parle de ça, là. Moi, j'ai rien contre le discours des gens qui ont appris les choses, mais si vous voulez parler avec votre source, appelez ça les anges, pour moi, c'est juste une question de jeu de mots, là. Si vous voulez vraiment parler avec votre source, il faut que vous soyez absolument dégagé de la polarité. Le double, là, c'est aussi méchant que ça peut être bien. Parce que quand il y a un test à vous faire passer pour développer votre contenance, il ne va pas être le dos de la cuillère. Il vous fait passer un test, vous développez votre contenance. Vous autres, vous appelez ça de développer de la volonté. Mais pour moi, il n'existe pas de volonté. Ça n'existe pas, ce vouloir. Ça existe, tu contiens et tu es vibrant pour vivre une action donnée. Mais tu ne peux pas vibrer quelque chose pour y accéder si tu ne le contiens pas. C'est quoi un couple parfait? On l'entend souvent, ça. C'est une femme qui contient son mari. Puis c'est un mari qui contient sa femme. Mais c'est pas une femme qui veut un mari, puis c'est pas un homme qui veut un mari. Regardez ce que vous voulez. Un gars au mariage, on demande. Voulez-vous prendre pour époux? Oui, je le veux. Oui, c'est ça. Mais ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, là. Mais tu sais, tu as le contrat pendant 30 ans. Puis aujourd'hui, 30 ans, le monde ne faut pas ça. Non, c'est exactement. Quand ils ont fait 6-7 ans, là, ils ont dit, ouais, j'ai une relation assez stable. Tandis que nos grands-parents, c'était... C'est pour ça qu'on voit que le message de Bernard, ou le tien qui transmet maintenant, c'est nouveau. Ça transcende le passé. C'est une lecture différente. On ne fera plus de mariage en demandant, c'est quoi ta volonté? C'est, contiens-tu madame? Oui. Oui, je la contiens. Contiens-tu monsieur? Oui, je la contiens. Non, ça va être ça la formule. Oui, on va dire que... Mais regarde, il y a une phrase ici qui va peut-être être commentée par toi. L'humain est un ange déchu qui se souvient des cieux. Ça, c'est répété très souvent dans des traditions que l'être humain, à cause qu'il est dans un animal, est dans déconnecté de sa véritable nature qui est spirituelle pure, et il a tombé dans le piège de goûter le corps humain, la nature animale, puis de là. Va-t'en jusqu'au bout de tes tripes, puis à un moment donné, tu vas crever, le cœur va te lâcher, puis ça va être recommencé. Et là, souhaitons que tu as gardé un contact avec en haut pour te rapatrier, sans ça, tu peux être perdu. On ramène ça dans mon langage. Oui, oui donc. Okay? Oui, donc. J'ai un double qui est super intelligent. Okay. Tout le monde ici a des doubles super intelligents. Puis à un moment donné, la gang de doubles, là, ils sont quelques milliards, là, ils disaient, on se fait un concours. Celui qui fait le plus beau robot, qui le fait durer le plus longtemps avec un maximum de 500 incarnations. OK, on charrie, là. Mais j'aime ça, ouais. Je te mets ça là, réellement dans mon langage. Là, ils commencent à se faire des petits robots, puis le meilleur robot qu'ils réussissent à faire, c'est un être humain. Ils chipent ça sur une planète, puis ils disent, on va te le piloter, là. Tu sais, le Nintendo, on pense qu'on l'a inventé, mais eux autres, ils n'ont tout un Nintendo, là. C'est des poignées, là, à trois dimensions, puis tu te quittes. Okay. Puis quand tu te rends un gars en moto, là, c'est parce que le gars, il a fait un petit erreur sur la manette, là, tu sais. Il est rentré en dessous du truck. Ben, on va dire, nous autres, qu'il l'incorpore. C'est une incorporation. D'une manette, il rentre dedans pour. Puis à un moment, il est piégé, il ne peut plus sortir. J'essaie de mettre ça à portée du public, là, tu sais. Une petite manette de Nintendo. C'est parce que nous autres, on ne le voit pas, le double. Quand on va aux toilettes, tu vois-tu ton double? Non. Fait que, tu es piloté, tu as envie d'aller aux toilettes, c'est une nécessité d'attirer. Ça, c'est une nécessité animale, là. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Et voilà, on est des robots avec une propriété, genre, tu manges, ça sort, et puis toute la dynamique de cette vie-là, où on absorbe des impressions et où on est obligé d'intégrer ces impressions-là, c'est tout piloté avec des règles bien, bien définies sur les plans. Et puis, l'objectif, c'est de rendre le petit robot le plus vibratoire possible, c'est-à-dire le plus proche de son créateur. Et le créateur, lui, il n'a pas besoin de parler, il a juste besoin de vibrer. Il vibre les choses, puis ils apparaissent, puis ils se font. Fait que l'objectif de ces doubles-là, c'est d'amener l'être humain le plus proche de leur image, de leur façon de faire, de leur façon de fonctionner. On se rapproche de Dieu a créé l'homme à son image, on se rapproche de ça. Fait que mets ça dans un concept un petit peu plus scientifique, puis tu dis, la source s'est donné un jouet qu'on appelle l'humanité, et avec l'humanité, il travaille avec les énergies de contraction, les énergies d'expansion, puis amène ces deux éléments-là à faire assez ou suffisamment de prise de conscience pour raffiner l'émotivité jusqu'à un niveau de sensibilité. Parce que c'est sûr qu'un animal, c'est émotionnel. C'est sûr qu'un être humain, c'est principalement émotionnel. C'est pour ça qu'on parle d'amour ou quoi que ce soit. Puis qu'à un autre registre, quand tu as exploré beaucoup de jeux d'amour, là, l'amour des enfants, l'amour de ton partenaire, l'amour de tout ce que tu veux, là, tu en arrives à dire, tu parles plus d'amour, tu parles d'avoir la paix. Tu sais, parce que l'amour, là, tu dis que c'est bon dans les chansons, mais quand tu as le vivre, là, et qu'on s'entend que ça, il y a des variantes, hein. Puis là, tu vas avoir la paix. Puis là, la paix, ça devient être assez sensible pour reconnaître quand est-ce que tu as du trouble. Parce que si tu es sensible au trouble, tu n'iras pas dedans. Quand tu es émotif, ben, tu donnes toujours une chance. Jusqu'à temps que tu sois plus capable de donner une chance. Tu sais, donner une chance à quelqu'un qui te demande 10 piastres, c'est tant que tu as des 10 piastres à donner. Mais tu donnes plus de chance quand il t'en reste plus de 10 piastres. Hein? On s'entend que là, tu as compris. Fait que la dynamique de l'être humain, c'est une dynamique de pilotage à distance où il fait des prises de conscience. Puis à un moment donné, il est tellement conscient de la game qu'il finit par comprendre qui est piloté. Ah, là, c'est un grand jour. Le jour où il comprend qu'il est un petit robot qui se fait piloter, puis que tout est marqué d'avance, puis qu'il y a même du monde qui peut lui dire par des médiums, des lignes de la main, des idées, ça. Attention, tu vas voir ci, attention, tu vas voir ça. Là, à ce moment-là, il y a un éveil qui se fait. Puis là, l'intérêt pour savoir qu'est-ce qu'il pilote, comment ça pilote, pourquoi ça pilote, là, à ce moment-là, c'est là que tu rentres dans un processus d'évolution. T'sais, moi, je suis sur son accident, là, je check ça avec mes planètes, puis je peux dire, ah, probablement, ton Uranus est en poisson, ça a affecté ta planète X. Là, puis si tu avais Saturne, probablement. Saturne en Vierge, oui, ça se peut. Il faudrait qu'il y ait un signe d'eau. C'est quoi ta date de naissance? Taureau, alors c'est les planètes. 15 mai? Okay. Ouais, c'est, il doit être des Mercure en Gémeaux, quelque chose du genre. Parce que tu sais, le Soleil en Taureau, ça ne donne pas toute la carte. Fait que c'est sûr que la dynamique d'une personne, c'est prévisible. Ça, c'est sûr. Moi, je l'ai testé pendant des années. Et les événements sont prévisibles relativement, oui? Tout est prévisible. C'est juste qu'il faut que tu saches lire, il faut que tu saches décoder. C'est ça qui est le plus difficile. Alors, regarde, moi, c'est les lignes de la main, OK? Puis toi, c'est les étoiles dans le ciel. Fait que dans le livre de Job, ils nous disent, le destin des hommes est écrit dans les étoiles dans le ciel et dans les lignes de la main pour qu'ils connaissent son destin. Ça. C'est clair? OK. Fait que n'importe qui peut arriver par soi-même à savoir les choses, mais il ne peut pas savoir les expériences qu'il y a à vivre. Si tu as une expérience qui est à vivre, ils vont te le cacher. Ça ne te sera pas dit, tu ne rencontreras pas personne pour t'expliquer quelque chose. Quand tu as à vivre quelque chose, même moi, je l'ai le contact, clair. Puis quand j'ai à vivre une chose, je suis coupé. Ils ne me donnent aucune info là-dessus. Puis je ne peux pas demander à personne. Les gens vont me biaiser l'information, quoi que ce soit. Dès que vous avez une expérience à vivre, vous ne pouvez pas communiquer avec votre source. Vous êtes obligé de le vivre. Ah oui? Un test. Au moment du test, oui. Un test, c'est ce que les gens appellent un événement négatif, mais pour moi, un test, c'est un test. On appelle ça initiation, nous autres? Ça aussi. Puis Bernard disait, il dit, je vous mets à l'initiation. En réalité, quand il nous met en initiation, il nous donnait une occasion de développer une contenance pour être capable d'absorber un plus haut niveau de conscience. La conscience est expansif. Fait que pour pouvoir prendre une expansion, il faut que tu aies la contenance qui va avec. Il y a combien de compagnies qui vont blaster parce qu'ils sont en excès d'expansion? T'sais, si tu prends trop d'expansion, tu t'éclates. Puis si tu es trop en contraction, ben là, tu imploses, c'est pas mieux. Mm-hmm. Une récession, c'est une. Tu sais, comme là, on a Python Capricorne. Tu sais, quand tu m'as passé au mois d'octobre, je t'avais. On rentrait avec un Python Capricorne. Là, je te disais, là, on va rentrer dans 18 ans d'années de contraction. Là. Ben, 18 ans d'années de contraction, c'est lourd, ça, là. Par contre, quand on va rentrer avec Python Verseau, ben là, on voit des auto-électriques, on voit des gens qui vont être plus capables d'être autonomes, qui vont être moins à la recherche d'une prise en charge. Les structures bancaires, structures gouvernementales vont avoir été sérieusement frappées, là, disons, par les excès, ces choses-là qui vont disparaître. Donc, le nettoyage que ça va faire pendant 18 ans, ça va être très difficile à vivre. Par contre, les gens vont être beaucoup plus forts après cette période-là pour être capables de prendre une autre vague de 18 ans d'expansion. Oui, de 2009 à plus 18, là, c'est 2027, oui, c'est ça. Mais le punch est jusqu'à 2012-2014 à peu près. C'est là qu'il va être le plus dur. Après ça, bien, vous allez avoir une nouvelle façon de voir les choses. Puis la clé pour passer ces 18 ans-là, la clé, c'est de jamais chercher la prise en charge. Jamais. C'est de devenir autonome, c'est de devenir souverain. Associatif. Vous allez vous associer, mais vous ne cherchez pas quelqu'un pour vous traîner. Fait que tu rentres dans une relation par association, mais tu ne rentres pas dans une relation pour qu'il y en ait un qui conceptualise puis les autres exécutent. Parce que l'exécutant, en principe, il se fait prendre en charge par le concepteur. Fait qu'il faut que tout le monde ait son droit de parole et puis tout le monde ait la capacité de voir dans l'autre ses faiblesses pour se prémunir contre l'apparition de la faiblesse. De là l'importance de ne pas croire, puis de ne pas faire confiance plus que ta contenance. Tu sais, quand tu contiens, ça veut dire que tu as une bonne lecture de quelque chose. Tu sais, quand tu conduis sur l'autoroute, tu contiens bien le trafic parce que tu as une bonne mesure des distances, puis tu es 6 pouces dans le derrière de l'autre, puis 6 pouces en arrière du bumper, c'est pas pareil. Hein? Pourtant, c'est juste 6 pouces. Mm-hmm. Mais la dynamique de contenance ou de contrôle, ben ça, ce 18 ans-là, ça va faire apparaître chez les gens qui sont plutôt dépendants, puis très fixes. Tu sais, que style, tu as un travail, puis tu dis, moi, je vais faire ça toute ma vie. Mais peut-être qu'il va falloir que tu fasses d'autres choses. Ben, il est déjà dans un processus assez d'autonomie, là, c'est sûr. Pour le travailleur autonome. Mais si ça va mal, puis qu'il y a des amis qui disent, je peux-tu travailler avec toi? Il faut que le gars qui est autonome ne se fasse pas aspirer par un rôle de leader, parce que là, il va se charger avec des gens qui cherchent une prise en charge, puis des garanties de salaire, puis des... Tu sais, quand le travailleur autonome, c'est lui qui est obligé de donner une garantie de salaire à quelqu'un, alors que lui, il n'en a même pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, ben, tu comprends ça. Tu regardes Google, là, actuellement, les jeunes en Californie, là, ils marchent un peu comme ça. Hein? Les unions générales, puis ça se promène en bicycle, ça s'en vient là. Les unions générales, là, tous les jeudis, on discute. Chacun arrive avec ses idées, puis on dirait que les boss sont pas boss. C'est boss, c'est l'égrégore, c'est-à-dire l'entreprise qui doit bien fonctionner pour tout le monde. Puis, ouais. Alors, les anges, finalement, ça serait un égrégore. Pas ce que j'ai dit. Non, moi, j'essaie de t'amener sur des pistes, moi, là. Tu sais, il y a une terminologie pour tout. Moi, c'est sûr que je travaille avec la tradition. Puis moi, je travaille avec ce que Bernard a donné comme instruction. Exact. Je l'adapte à l'aspect pratique de la vie. Moi, j'essaie de faire la transition entre l'expérimental traditionnel et l'expérientiel, dont Bernard est un des beaux cas. Des leaders, ouais. Ça a été vraiment un leader expérientiel. C'est lui, puis il n'a pas d'autre. Puis on embarque dans son discours, dans son langage pour comprendre ça. Bernard, c'est un gars qui prenait toutes ses décisions par rapport à une vibration. En d'autres termes, il ne prenait jamais de décision. Il vibrait les choses, puis la vibration lui faisait faire quelque chose. Puis il ne questionnait pas. Moi, j'étais une coche en bas, là, je questionne encore la vibration. T'sais, quand ils me font faire quelque chose, je dis « Hey, pourquoi? » Ben, tu n'aurais pas fait des placements en Haïti pour rien, là, où il y a des 100 millions qui sont partis. Regarde, moi, je n'étais pas d'accord avec Haïti. Puis, il a fait Haïti pareil. C'était pour initier le monde. Oui, oui. Qui a de l'argent à perdre. Aujourd'hui, on les met en prison pour 50 ans, les gars qui font des placements qui n'ont pas d'allure. Hein? Ben, c'est pour 50 milliards. Oui. C'est 150 ans pour 50 milliards. Oui. On a juste 5 millions. Il y aurait eu quoi, 30 jours, à peu près, comme Vincent Lacroix? Là? Ah, ben oui, c'est ça. Hein? Quand on passe à la TV, il faudrait faire attention à ce qu'on dit, là. Oui, mais on fait des constatations d'usage. Oui, c'est ça. Oui. C'est là que je t'aime bien, c'est que ta terminologie va dans ce sens-là. Oui, j'ai appris à naviguer dans tout ça, oui. Est-ce que, donc, moi, le conseil que je donne aux gens, c'est de communiquer avec leur ange, soit par une méditation, une prière, ou simplement être attentif à des signes comme la synchronicité, les odeurs, les sons, les choses. Est-ce que toi, tu embarques là-dedans, tu sais toutes des niaiseries, c'est des folies, ça? Ben, on discutait... Autrement dit, c'est ton double, là. On discutait dans l'auto de ne pas croire, hein? Moi, je dis que c'est fini, le temps de croire, c'est d'avoir confiance. Et quand tu dis avoir confiance, ça veut dire qu'il y a une limite, tandis que croire, c'est aveugle, il faut que tu ailles au bout. C'est ça. Fait que là, si tu parles des anges dans comme tu parles, Pour moi, c'est dur de te faire confiance. C'est difficile. Oui. Parce que mon expérience de vie n'est pas avec les odeurs le matin, ces choses-là. Parce que moi, j'ai bien des chopes. Des fois, il y en a qui chient sur mon lit. Fait que si je me réveille avec cette odeur-là, je peux te dire autre chose, ma journée part mal. Mais vois-tu, c'est ça, l'expérientiel, c'est ce qui me sauve. C'est que pour toi, je ne peux pas te transmettre une expérience que j'ai vécue personnelle avec l'odeur de la poudre Babyzone. Tu sais, non, mais c'est un exemple. Parce que tes exemples sont toujours positifs. Mais sont réels. Oui, je discute pas ça, mais moi, le positif, c'est un bon. C'est un la bombe même, tu sais. Mais en ce qui me concerne, ma vie, moi, mon combat, c'est avec ce qui va mal. Moi, les gens viennent me voir en consultation parce que ça va mal. Fait que j'ai toujours à faire des lectures sur un problème. En astrologie, là, tu veux dire? Non, non. Quand je rencontre du monde, moi, les gens viennent me voir en consultation, en conférence. En consultation de quoi? C'est ça, je veux pas. Je te tends la perche pour plug-toi, là. Ah non, je veux pas me plugger, non. Je descends pas à Québec travailler, là. Okay. Mais c'est trop le millage. Mais je lègue un message aux gens, là. Je viendrai peut-être pas pendant 20 ans, ça. Fait que la dynamique du problème, il est plus important à régler que celui de vivre la solution. Là. Tu sais, quand tu es rendu à vivre la solution, les affaires vont bien. La plupart des gens ont des problèmes soit existentiels, des problèmes de relations humaines, des problèmes de business, d'argent, ces choses-là. Moi, je règle ce que j'ai à régler avec les gens qui viennent me voir, c'est des affaires bien, bien concrètes. Là. Mais ils servent de mon contact pour avoir des ouvertures pour les choses. Tu sais, qu'est-ce que je dois faire? Tu sais, les gens doivent-tu se faire vacciner à l'automne là, pour la grippe? Non, là? Je ne sais pas ça. Touchez pas à ça, t'es catégorique. OK. Écoutez, je ne veux pas me faire poursuivre là, par des médecins, là, mais... Ben, tu n'es pas médecin, donc tu as le droit d'avoir une opinion, puis elle ne va à la longueur de ton opinion, c'est tout. C'est ça. C'est parce que ça reste longtemps sur ton site, ce qu'on parle. Fait que tu sais jamais comment ça peut virer. Fait que moi, je vous dis, moi, personnellement, je ne me fais pas vacciner. Oubliez ça. Forcer, pas forcer, ça m'intéresse pas. Bien, la compagnie qui a fabriqué les vaccins là, vient de recevoir l'immunité officielle que s'il arrive des erreurs ou que ça marche mal, ils ne sont pas responsables. C'est ça. Mais ils vont être obligés à le prendre, j'espère que non, là. On n'est pas rendu là. J'ai une de mes amies qui l'a eu, cette grippe-là. Ça a duré 3 jours. Elle a dit, t'as mal à la tête, c'est l'enfer. Mais elle a dit, là, elle dit, je suis ici, puis je suis en forme, là. Tu sais, il n'y a pas de problème. C'est ça. Fait que moi, personnellement, si vous êtes dû pour crever, vous allez crever. Moi, je dis aux gens, vos problèmes, c'est vous qui les créez. Vous aspirez l'événement ou les personnes qui sont pour moi des événements, vous aspirez ça dans votre orbite parce que vous avez des choses à régler. Qui se ressemblent, se rassemblent. Pour faire ça plus simple encore, quand tu as une faiblesse, tu as besoin d'un tortionnaire pour te faire sortir de ta faiblesse. Il n'y a rien comme... excusez le langage, il n'y a rien comme un enfant de chienne pour te faire sortir ta colère, te faire sortir ta colère pour développer une autorité, pour neutraliser l'enfant de chienne. On s'entend? Moi, j'ai développé de la force avec des enfants de chienne. Puis, je peux te dire qu'aujourd'hui, là, faut que tu boxes en crise pour me mettre à terre. Excuse le langage, je ferai ça au montage. Mais, non, ça va bien avec notre prochain invité, qui est le fils de Reggie Chartrand. En tout cas, tout ça pour dire que la vie, c'est pas rose. Okay? Oui, oui. Puis les gens qui veulent voir la vie en rose, cachez-vous, parce que vous allez vous faire bouffer tout rond. Dans les temps à venir, ça va être dur. Fait qu'il vous faut des éléments, des démons. Moi, j'aime ça, des démons. Amenez-en des démons. Parce que les démons, ils viennent fin, ils s'assoient à terre, puis ils m'écoutent parler, là, tu sais. J'en ai vu des solides dans ma vie. J'ai vu du monde qui avait... J'ai fait un exercice avec une femme de 90 livres. Quand j'ai fait rentrer avec son entité, là, elle avait une grosse voix, là, à la Barry White. Puis quand elle a écouté le tape, parce qu'elle était en transe, là, quand elle a écouté le tape, elle dit, c'est pas moi, ça. J'ai dit, c'est sûr que c'est pas toi, mais c'était ton corps qui sortait ça. Vraiment. OK, elle n'était pas grosse, là. C'était plus petit que Mireille. Ça te donne une mesure. Mais pourquoi c'était pas elle? Peut-être que c'était vraiment sa vraie nature qui était rentrée dans un corps. Bon, qui était... mettons que ça serait une frustration qu'elle n'avait pas libérée. Oui, OK, puis que là, elle avait besoin de, je sais pas, d'un état de mollerie, là, quelque chose de réellement, là. Tu sais qu'elle avait du punch. Mais je te dis qu'elle parlait gros, pas à peu près. Oui, oui, oui. Il y avait un éveil de son autorité. Tu en arrives à quoi au bout du... chemin? Au bout du chemin, tu deviens un être conscient. Fait qu'un être conscient, c'est un être qui a la réponse à tout. Qui sait tout. Qui a accès à n'importe quoi. À l'information, là, c'est un claquement de doigts. Il ne se prend pas pour un autre. Il est un autre. Parce que nous autres, on n'est pas de même. Ouais, il n'y a pas de réflexion. C'est pour faire ça simple. Ouais. C'est un être qui se prend pour un autre, c'est un être qui est réflexif. Il est dans le jeu par ses oreilles. Et puis, il utilise le jeu en se donnant une impression de lui-même. Tu sais, Bernard, la dernière phrase qu'il m'a dit avant de mourir, là, il restait quasiment 3 jours, il dit « Oublie pas Grumineau », parce que ça, c'était mon surnom, parce que j'ai bien des chats. Là. Puis il dit « Oublie pas Grumineau », il dit « On a le pouvoir quand on ne l'a pas ». En voulant dire, quand tu es canal, tu as le pouvoir, mais quand tu es dans une réflexion de ta source, tu as effectivement accès à un certain pouvoir. Même les gens qui ont karmiquement des talents extraordinaires, ils ont accès à un certain pouvoir. Mais la réflexion du pouvoir te rend... C'est nocif pour ton être, parce qu'un jour ou l'autre, tu vas craquer, tu n'auras pas la structure pour supporter tout l'aspect expansif du pouvoir. Le pouvoir, c'est spiralisant, hein? ça s'amplifie tout le temps. Fait que si tu n'as pas la contenance du pouvoir, bien là, ça, c'est comme on dit, l'ambition mange son âme, donc là, ça te fait éclater. Là. Fait que quand les gens comprennent que ce n'est pas nous autres qui pensent, bien, tu reçois des commandes par vibration de ce que tu as à faire, mais tu n'es plus dans la réflexion ou l'idée en jeu de faire quelque chose. Tu n'es plus dans « je fais ça, donc j'ai réussi ». Parce que dans le « je fais ça et j'ai réussi », il y a aussi comme à la bourse, exemple, tu gagnes, mais quand tu perds, c'est encore toi, là. Et si tu es encore dans une réflexion, tu vas dire « j'ai perdu ». Tandis que si tu es sur l'état de conscience, ça gagne parce que j'ai un besoin, puis je perds parce que j'ai un test à passer. Quand tu gagnes au casino, là, avec le chèque qu'on a montré dans la conférence. Écoute, elle, 12 500, il n'y a rien là. J'ai une de mes chums, je l'ai vu faire ça dans une soirée. Là. Puis elle en a fait 25 000 en 3 semaines. Puis elle venait à me payer toutes mes activités, elle payait ça avec l'argent du casino. J'ai un de mes amis qui faisait 40 000 à 3 ans. Il a fait ça pendant 3 ans, puis il a arrêté à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'il était blasé. Des gens qui font de l'argent au casino, j'en connais plein. Il y en a qui sont des professionnels. Là-bas, ils gagnaient leur vie là, 150 000, 200 000 par année. Et puis c'est déductible d'impôts. c'est pas payable d'impôts. Il n'y a pas d'impôts. C'est pas imposable. Bon, c'est pas imposable, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça. C'est génial, hein? Ouais. Bon job, ça. Ouais. Pour les gens connectés, là, Bernard de Montréal, il aurait dû aller là. Ouais, ouais. Moi, j'ai déjà passé une heure devant une table, ils me collaient tous les chiffres à roulette. J'ai embarqué dessus, ils m'ont dit pas plus que deux coups. J'ai joué deux coups, j'ai gagné. J'ai dit un petit troisième. Ils ont dit non, c'est fini. J'ai joué pareil, j'ai perdu. Puis là, j'étais choqué, j'ai dû m'en remettre un autre. J'ai encore perdu. Puis là, ils ont dit, Stastine, on va te faire perdre tout ce que tu as gagné. Ah, j'ai dit, OK, c'est correct. J'ai été délinquant longtemps. Là. Puis tout le monde qui vit avec la famille. Regarde, vois-tu, le langage que tu as, moi, je l'établis comme c'est toi avec ton double. Ouais. Puis ton double, c'est un ange qui est en rapport avec la science infuse, si tu veux, la science totale de l'être. Connaisse tes besoins. C'est ça. C'est ça. Puis il donne des leçons, mais il faut que tu t'apprivoises avec, puis ça va bien aller. Il faut que tu acceptes. Faut que tu deviennes docile à l'autre. Faut que tu deviennes un robot. Sois bien avec l'idée d'être un robot. OK. Tu vibres, tu agis. That's it. T'as pas besoin de te poser plus de questions que ça. Avez-vous des commentaires ou des questions à lui poser avant qu'il s'en aille? Il reste 5 minutes. C'est ça. Vas-y. Micro. Question, hein? Pas d'affirmation, s'il vous plaît. OK. Un peu, le micro s'en vient. Attends une minute. Le micro s'en vient. J'aimerais juste savoir si toi, tantôt, tu parlais d'être qui surveillait l'évolution ou, dans le fond, dans ta définition, quand tu dis que tu as un contact ou que tu reçois une vibration, ça veut dire que tu es conscient qu'il y a des êtres en haut, qu'il y a quelque chose d'autre. Mais est-ce qu'eux sont dans une polarité? Est-ce qu'il y en a des bons puis des mauvais ou bien il y a juste des bons? Tu n'aimerais pas la réponse, mais c'est la réponse. Un double, il se sert du mal et du bien également. Ça, c'est la réponse. Il n'y a pas de démon, il n'y a pas d'être fin. Il y a simplement une spiritualisation sur la planète pour des gens qui sont dans l'émotion. L'émotion pour la source, pour le double, c'est une matière première à faire transmuter qui doit arriver à de la sensibilité. Un être perd son émotivité dans la conscience pour arriver à une extrême sensibilité qui lui permet de bien lire et d'avoir une antenne extraordinaire pour capter tout ce qui se passe. Mais à ce stade-là de conscience, tu ne juges plus en fonction de bien et de mal. Tu fais simplement regarder ce qui se passe, et même s'il y a quelqu'un qui se fait tuer dans la rue, tu ne vis pas une empathie vis-à-vis de la situation, tu fais juste traiter avec l'événement selon la vibration dans laquelle tu es. S'ils te font vibrer d'aller vers la personne, c'est parce que tu vas la sauver de la mort. Et s'ils ne te font pas vibrer pour aller vers la personne, c'est parce qu'elle doit suivre un destin dans lequel elle doit mourir et se réincarner. C'est aussi simple que ça. Nous autres, on traite avec le mal parce qu'on a peur de la mort. Mais au-delà de la vie, donc la mort, il y a une autre vie. Les forces le savent, ça. Et le sachant, ils n'ont pas la même dramatique philosophique de l'être humain vis-à-vis de la mort. Toi, demain matin, tu n'as jamais conduit ça, un Suzuki Hayabusa, là, mais lui va te le dire comment ça marche. De toute façon, sur Bicycle, ça marche autant qu'un Busa. Tu embarques là-dessus, puis tu n'as plus peur de mourir. Tu vas performer beaucoup plus que si tu as peur de mourir. Puis les gars qui embarquent, c'est des machines de même, parce que moi, c'est des genres de machines que je conduis aussi. Te souviens-tu quelle sorte qu'il y avait, lui? Lui, c'est un GSX-R1000, Suzuki, même chose que moi. C'est bon. Puis, c'est... De hasard. Non, ça marche. T'as-tu déjà eu un accident avec tes... Oui, l'année passée, à 5 km/h. J'ai tombé à terre parce que je venais de changer mes briques, puis quand j'ai changé mes briques, ça a barré la roue dans la garnotte, et puis là, ma roue a glissé, puis je suis tombé là, bêtement à terre, là, tu sais, boum, boum. Comme j'avais eu un gros bonceur qui m'aurait cogné, là. Ça cogne pareil. Tu sais, j'ai 230 livres de steak là, qui s'étend, ça se fait. Avec une machine qui est pesante, pareil. Non, ça, c'était pas pire. Si j'avais eu ses jambes, j'aurais trouvé ça dur, mais là, c'était pas le cas, j'ai été projeté. Okay. Bon, je reviens à ça. Fait que lui, il vit du double, il n'a pas peur. Moi, souvent, j'ai roulé 250, puis j'avais pas peur. Mais il y a des journées que tu ne peux pas rouler 250. Pas parce qu'il y a du vent, puis ça, c'est parce que tu ne le sens pas. Lui, il va te le dire, tu ne peux pas rouler tout le temps. Lui, il peut monter ça à 300, ça imagine, là. Il ne peut pas monter à 300 tout le temps, là. Il y a des journées que tu ne l'as pas, là. C'est pas dans ta tête, tu es brouillé. Puis dans son accident, il n'a pas fait d'erreur de pilotage, là. Fait que c'est vraiment un accident. Il y a l'accent. Non, c'est même pas ça. C'est, tu roules 200, 250. Écoute, j'ai déjà roulé, je coursais avec un Volvo, puis mané le vent rentrait en dessous de mon fairing, puis mon bicycle élevé. On va dire, quand c'est pas toi qui décide que ça monte, là, c'était un drôle de feeling. Et puis, j'ai slacké. Puis, bon, le gars aussi a slacké. Il pensait qu'il avait gagné. Là. Mais c'est des mouvements, c'est pas des erreurs de pilotage. Les erreurs de pilotage, c'est une perte de contenance. Mais lui, il n'a pas perdu de contenance. C'est quelque chose de la vie qui est arrivé. Fait que c'est purement... J'ai l'impression... Il ne peut pas avoir peur. Pour connaître c'est l'expérience de moto, va, il va rembarquer sur une machine. Tu sais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu peur. C'est ça. Ce qui... j'ai l'impression que tu te possèdes au lieu d'être possédé par des esprits. Quand tu deviens bien conscient. Eh bien, ça, j'ai un de mes chums qui a planté l'année passée avec un 750, un GSX-16 750. OK? Il m'a demandé d'expliquer pourquoi il avait tombé. Il faisait des courbes là, sur l'autoroute, là, puis il pratiquait ses... Il fait de la piste, le gars. Là. Des sorties. Là. Il prenait les sorties, puis, puis tu sais, il essayait d'user son pneu, là, borderline. Okay. Puis là, maintenant, il dérape. Puis là, il a scrappé sa machine, il a scrappé son jumpsuit, puis ça quitte. Et puis, il dit, Dan, il dit, pourquoi j'ai tombé? Il dit, il me semble que j'étais un bon pilote. Il dit, je suis entraîné, je fais du karaté, haut niveau, puis tout le kit. J'ai dit, c'est parce que la femme est partie aux Indes. Ah, ça, il ne l'attendait pas, cette réponse-là. J'ai dit, ta femme, c'est elle qui te contient dans la maison. Quand tu tombes gaga, là, c'est elle qui est capable de... T'sais, elle va te demander de sortir les poubelles, ça va te frustrer, parce que toi, tu es champion de karaté. Sortir les poubelles, moi aussi. Ça va, les poubelles, tu sais. Puis, j'ai dit, c'est parce que ta femme partie aux Indes, tu n'as plus rien là, pour t'envelopper. Là. Puis, tu prends des risques plus, parce que imparti, fait que c'est comme si tu te sens célibataire, puis, tu sais, ouais, tu challenges plus avec la vie, là, tu sais. Puis là, elle étant pas là, ben, ça t'a créé des équilibres. Ça, il n'attendait pas cette réponse-là. Hein? Quand tu te faisais, pourquoi je suis tombé? C'est parce que ta femme est partie aux Puis autres. Il aurait dû le savoir, si je comprends bien, s'il était conscient, il aurait dû savoir qu'il n'avait pas ce jour-là la vibration pour faire ça. C'est ça. C'est un gars de technique. OK. Et c'est un gars de karaté, là, tu sais. Fait que ça prend juste technique, stratégie, puis le kit. Il y a un bac sur le bicycle, il dit, tant que là, ben là, c'est parce qu'il a pogné une petite roche, là. Petite roche, c'est pas dans la technique, ça, là. Bon, maintenant, j'ai fait une conférence, moi, sur les anges, la communication avec les anges. Quelqu'un qui te dirait, moi, je médite, je communique et je reçois de l'information, comme oui, Bernard, sans doute, et je contrôle un peu ma vie grâce à ces... Non. Il contrôle ta vie. Ça, le « je contrôle ma vie ». Non, ils ne prendront pas de décision. C'est ma volonté qui sera faite. Jamais. C'est ça qu'on a. On a un problème de langage, là. Jamais tu contrôles ta vie quand tu es conscient. Tu vibres les choses ou tu ne les vibres pas. Moi, l'année passée, ça brassait pas mal dans ma vie. Puis c'est pour ça que j'ai eu un accident. Quand j'ai eu mon accident, ma meilleure chatte, là, ma Master Cat de la maison, là, est morte. Le loup l'a snappé là, à ce moment-là. Oui, parce que tu fais l'élevage des chats en bassin, les abyssins. En tout cas, tout ça pour dire que quand je suis tombé à terre, j'ai pas pensé au mal dans l'épaule. J'ai pensé, je dis, oh, shit, ma chatte est morte. Là, je savais déjà qu'il y avait un loup. Fait que je le savais. J'ai relevé le bicycle sur l'adrénaline, là, puis je suis parti chez nous comme un malade, puis j'ai plus jamais revu ma chatte. Je savais qu'il y a un parallèle. J'ai expliqué au monde dans une conférence la trilogie d'un problème. Il n'y a jamais un problème sans qu'il y ait deux autres problèmes. Un problème interne, puis un problème dans le microcosme de ta vie, là, dans l'intime, l'interne de ta vie. Quand il y a quelque chose qui saute dans l'interne de ta vie, il y a quelque chose qui se passe dans ta tête parce que tu es comme brouillé. Là. Moi, dans l'année passée, là, j'haïssais les loups pour les manger. Je ne sais pas ce que ça goûte du loup. Là. Puis une trilogie, un troisième, c'est quoi? C'est ça. Puis le troisième, bien, c'est que j'ai glissé avec ma moto. Ah, OK. Moto, mon état mental, la chatte, qui était mon microcosme. Le moto, c'est un macrocosme parce que c'est social. Il y a toujours un triangle. Pourquoi vous n'avez pas d'accident pendant X temps, puis tout à coup, vous en avez une? Puis qu'il n'y a pas d'erreur de pilotage, puis il n'y a pas d'erreur de quoi que ce soit. Là. C'est parce qu'il y a quelque chose sur votre cas. Il y a quelque chose sur votre cas, c'est un mélange. Y a-t-il moyen de gérer ça pour qu'on soit toujours... La lecture. Comment? La gestion que l'être humain peut faire de sa vie, c'est au niveau de la lecture. Il lit les choses. Moi, je suis capable de voir que si quelqu'un comme lui a un problème, je suis capable d'aller fouiller dans son intimité, voir qu'il y avait un autre problème, puis que lui, dans sa tête, à ce moment-là, il y avait aussi une problématique qu'il essayait de gérer, là, puis qu'il ne contenait pas, là, c'était flou. Puis quand tu réunis les trois éléments, clac! Tu l'as la réponse. C'est pour ça que j'ai planté. J'ai pas planté parce qu'il n'a pas fait d'erreur de pilotage. Écoute, toujours, juste conduire un GSX, des jours, il faut que tu sois un pro. Il n'y a pas un amateur qui embarque là-dedans sans faire un wheelie et se ramasser sur le dos. Et ça demande du doigté, ça demande de la concentration. Tu sais, sois un homme. C'est fait pour les pros. T'sais. Puis, c'est sûr que tu ne peux pas arriver à avoir un état de chute par hasard. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose qui se passe dans ta tête avant. Il y a quelque chose qui se passe dans ton orbite de vie qui vient déranger tes éthers puis déranger ta bulle. T'sais, on n'est pas juste de la viande. Là. On a aussi un aura, on a aussi bien des facteurs psychiques qui nous entourent, qui nous enveloppent. Quand ça s'est dérangé, c'est là que vous avez des tests. Parce que c'est juste un test. Là. Lui, il a été testé. Moi, l'année passée, j'ai été testé. Moi, je vais récupérer ça en terminant, puis tu feras ta conclusion. Ouais. C'est que là, on a parlé beaucoup de moto. Ce soir, le hasard a voulu ça. Mais la moto, c'est comme... Comme exemple. C'est ça. La moto, ça se trouve être comme l'être humain biologique, la moto. Okay. Toi, tu es l'ange qui contrôle la moto. Qui pilote la moto. Qui pilote la moto. Ça te va jusqu'à date? Oui, ouais, OK. Et l'événement de tourner d'un camion qui te passe à côté ou de la gravelle qui arrive au moment inattendu, ça fait partie des événements de la vie mis sur ton chemin, ça ne peut pas être plus le chemin que ça. Là. Et c'est toi, l'ange, qui dois dire « Wow, je ralentis parce que... » C'est simple. C'est simple. Mais ils sont plus intelligents que ça. Il faut vraiment vous compreniez une chose, si j'ai une conclusion à faire. C'est ça, vas-y. Comprenez que ce qui vous arrive de mal dans la vie, c'est un test. C'est pas un châtiment. Quand vous arrive une bad luck, une faillite, un divorce, n'importe quoi, c'est un test. Si vous passez le test dans le sens que vous passez au neutre, vous n'êtes pas dans une... vous n'êtes pas débattu, vous n'êtes pas défaite. Si vous restez fort dans le test, ça va aller mieux après. Puis vous allez avoir d'autres tests. Puis les tests vont toujours être de plus en plus gros, de plus en plus subtils. Puis, pourrais-tu dire qu'un test peut être positif comme gagner un gros montant à la loterie? Autrement dit, tout ce qui est dérangeant de la quotidienneté ordinaire... 12 000, c'est gros pour toi? Ben pour lui, c'est gros. Bon, c'est un taux d'impôt, ça. Là. C'est ça. Mais c'est gros pour lui, c'est ça. Moi, ça commence à être gros un million. Si je te disais que c'est à peu près la moitié du salaire qu'il gagne par toute l'année à travailler tous les jours de la semaine, 5 jours par semaine, du matin au soir, la moitié de l'année vient de le cacher d'un coup. S'il y avait plus de contenance, il aurait gagné un plus gros loup. Oui, parce qu'il avait pesé ce bouton numéro 2, il gagnait le double. Il dit, j'ai pesé un à la fois. C'est ça. C'est un être léger, c'est un gros lampion, puis c'est une petite douceur de la vie. Un homme pour les femmes qui aiment les hommes roses. Mais c'est un petit peu plus G.I. Joe, là, puis le gars, il aurait gagné 36 000. C'est comme ça que je vois la vie. Moi, je vois que... Tu sais, tu parlais de mérite, là. Ben, moi, je te dirais, développe ta contenance, puis tu vas en avoir. Il va être à la conférence dimanche. Il va se faire laver, brasser, lessiver, dynamiser. Bon. En tout cas, merci beaucoup, Gilles. C'est tout. Ben, merci beaucoup, Daniel Ménard. Il était plus prudent dans ses approches. Oui, mais en séminaire. En séminaire, jusqu'à des années 90, à peu près, parce qu'après ça, il a arrêté de faire parler le monde sur le contact, parce que souvent, c'était des entités qui sortaient. Ouais. Il a arrêté, là. Parce que quand il m'a montré comment travailler avec ça, moi, j'ai commencé à le faire, puis j'ai trouvé que c'était weirdo pas mal dans ma vie personnelle. Ça avait des conséquences vibratoires, psychiques, qui étaient assez aiguës. J'ai recommencé un petit peu cette année, mais je suis obligé de sélectionner mes gens parce que ça a des effets très, très négatifs sur ma vie personnelle. Il faut être très équilibré pour faire ce travail-là. C'est très difficile. Oui, très fort, pas rien qu'équilibré, mais très fort aussi. Avoir une force psychique très dense. Bernard, c'est un homme qui avait le savoir par vibration. Exact, oui. Il avait le pouvoir de la parole, qui est le faire savoir. Puis il avait aussi, je suis en train de le découvrir, le savoir-faire avec la vibration. Il y a tous les gens ici dans la salle qui ont assez d'esprit pour savoir. Je suis capable de prendre n'importe qui ici, l'amener sur le contact, puis pendant 30 secondes, 5 minutes, 10 minutes, il va tout savoir ce qu'il veut savoir. Ça, tout le monde peut savoir. Mais tout le monde n'est pas capable de faire savoir. Comme toi, tu peux savoir, puis tu fais savoir. Mais travailler avec le savoir-faire, oh boy! Là, c'est travailler avec manipuler la vibration, puis quand tu connais le gars de proche, tu vois tout ce qu'il a fait, il a seulement travaillé avec sa parole, il a véhiculé des masses, il a fait ouvrir le portefeuille du monde à coup, je te dis, ça a dû coûter 10-15 millions, toute cette opération-là, Zanard à Chavage, juste avec le verbe. Ça, c'est travailler avec la vibration, ça. C'est un maître de plénière, ça. Passer sur l'occasion pour dire oui, mais Hitler faisait la même chose. Oui, oui, oui, en noir. Puis pourquoi Bernard, ça serait en blanc? Il me semble que. En gris. OK, en gris, OK. Oui, Bernard, c'est gris. Gris, c'est. Je vous l'ai dit, le mal, c'est une énergie de contraction. Gris, c'est la couleur de Saturne en passant. Oui, entre autres. C'est oui. Ça. C'est. Jupiter, Saturne. C'est ça. Saturne? Oui, puis Saturne, c'est quoi? C'est quoi, c'est passe ou trépasse? C'est ça. Je peux-tu continuer? Vas-y. OK. Puis, parce que je parle vite l'idée. Là. Si tu veille de la perte, là, si je te parle push. Vas-y. Qu'est-ce que c'était quoi, Gassi? Non, mais lui, c'était en gris. Parce que. Ah, non, ça, oui, Hitler. OK, Hitler, oui, c'est ça, c'est ça. Hitler, c'était un gars qui évidemment, c'est lui qui a provoqué ni plus ni moins que le capitaliste. Mais c'est sûr que. Bernard, il travaillait avec les énergies de contraction. Quand il faisait vivre à son environnement proche des initiations, il n'y avait pas juste des sourcils clairiens, il y avait aussi tout l'aspect négatif qu'on devait vivre. Mais contenir ce gars-là, il fallait avoir du coffre. Puis moi, j'étais dans le groupe, puis il me disait tout le temps que j'étais le petit gars en culotte courte. J'étais le plus jeune du lot, j'avais 10-12 ans de plus jeune que les autres. J'ai 57, puis eux autres, aujourd'hui, ils ont 65, 67, j'avais 10 ans de différence. Puis, j'étais le gars qui parlait, puis qui, Donald disait, nous autres, on fait les choses. Toi, ben, tu fais juste poser des questions. Ben, c'est ça, tu fais juste poser des questions. Il fallait toujours bien les trouver, questions pour alimenter la bête à Bernard. Parce que tu as été, justement, tu as été l'interface de Bernard pendant longtemps, comme moi, je l'ai fait au début avec ouais, Bernard. C'est ça, toi, tu l'as parti. Donc, tu étais aussi le dauphin de Glenn, figure-toi donc. Ben oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça, j'ai mesuré aujourd'hui pour voir si j'ai maturé. Là. Ah, mais, en tout cas, je trouve que tu as un extrêmement bon sens de la répartie, de la communication. Oui, à part de perdre la traque de temps en temps, là, mais. Ben, c'est Oui, OK. Mais OK, alors on vient à Hitler. Ben, c'est ça, c'est coupé trop souvent, mais on a de l'air courant, mais. Vas-y. Mais c'est mon rôle de garder la piste. C'est ça, ou de garder le contrôle, c'est bien. Mais c'est ça, fait qu'Hitler, lui, a travaillé avec des énergies négatives parce que c'était une époque qui demandait de faire éclater. Mais il n'était pas avant-gardiste? Laisse-moi aller, s'il vous plaît. Okay. Une petite chance, 30 secondes. Okay. Puis, Bernard, lui, il travaillait avec ces énergies-là de contraction, mais il travaillait aussi avec l'intelligence et l'expansion. Mais il savait marier ces deux énergies-là, appelle ça le bien, le mal, le vrai, le faux. Il savait travailler avec ça pour que ce soit la vibration qui prédomine et non pas l'idée. Bernard, c'est un destructeur d'idées, c'est un destructeur de formes, c'est un destructeur de connaissances. C'est un gars qui pouvait te rider là, 6 mois de temps avec un exemple, le double, puis te changer ça, puis te dire non, c'est pas le double, c'est le contact. M'emmener une autre fois l'ajusteur de pensée. Il nous a tenu 23 ans à dire la même affaire. 23 ans avec des mots différents, des formes différentes, des climats différents. Puis on était là, puis « Ah, c'est quoi la prochaine ride, tu sais? » Ça n'arrête pas jamais, c'est fou. Quand est-ce que tu as découvert ça? Ah, jeune. Oui, hein? C'est juste que moi, je travaillais avec lui, puis tu sais, j'ai gagné ma vie avec les retombées de ça. Parce qu'à un moment donné, je pense que tu pourrais faire ce qu'on a fait, nous autres, dans le particulier. Tu écoutes la conférence de Bernard, tu l'arrêtes, tu reposes à un moment donné, tu es capable de continuer la phrase pendant encore un bout, parce que c'est du copier-coller continuellement avec des nouveaux mots, mais c'est toujours les mêmes idées. 23 ans. Faut le faire, c'est 23 ans. Quand tu disais, Bernard, quand vous aurez compris, vous ne viendrez plus m'écouter. C'est ça. C'est ça. Viens de cet instant. Non, on est dans une autre piste, nous autres. J'ai entendu tantôt la conférence, c'est pas la même. C'est très, très relaxant. Je suis pas directif. Non, c'est ça. D'abord, il était très directif. Très directif. Très, très directif. Il était lion, s'en allant lion, et Pluton sur l'ascendant, puis sur le soleil natal. Fait que, il est né, lui, le 26 juillet 39, à la signature de la guerre, là, tu sais. Ça fait un dictateur. Ça fait un dictateur. C'est un dictateur, mais c'est le plus beau dictateur. Écoute, je suis verso. Moi, je suis pas capable d'endurer l'autorité. Je suis un délinquant né. Moi aussi, je suis verso, fait qu'on se comprend. Oui, oui, oui. Puis c'est ça le gars que j'ai vraiment. C'est ça le gars que j'ai admiré, moi, dans ma vie, parce qu'il était dosé. Il n'était pas excessif. Quand les fois qu'il a été excessif, moi, je trouve que le monde le méritait. Je le regardais de mon point de vue, là, puis je disais, ouais, lui, il faut vraiment qu'il se fasse casser là, parce que sa machine est arrêtée. Là. Il a pogné le fixe, puis Bernard, il cassait les formes tout le temps.